Toujours à la même occasion, les hôtes étrangers comme les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales et les attachés militaires en Corée, les délégations et délégués des organisations d'études des aides du Jutsu, le conseiller de la diète japonaise et sa suite, le groupe de félicitations des Coréens au Japon pour célébrer le 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, et d'autres hôtes étrangers et ressortissants coréens d'outre-mer ont visité le 9 septembre le Palais du Soleil de Kumsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.